Le groupe de visite dans la patrie des Coréens au Japon, conduit par Park Hae-chol, chef adjoint de département du présidium du comité central de l'Association générale des Coréens restant au Japon, est arrivé le 20 courant à Pyongyang par vol. Il a déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées sur la colline Mansu, avant de rendre hommage.